jouer musique, nous faire monde danser. Et si pas t'es musique, nous t'as qu'à inventer. Nous comptons nous jouer musique, nous faire monde danser. Et nous pas non polémique, nous besoin avancer. L'autant n'a frappé, fanatique, remenancé. N'a remenancé collé, bagay la vine dangere. Mon salio vine fiancé, gagne qui vive ma vie. Toutou vine raconter, comment yo te rencontré. Ça toujours fait plaisir, ces musiques nous t'es choisi. Ça fait apprécier la vie, ça guérit toute maladie. Ça chasse mauvais esprit, fais amis vivent tant qu'aux familles. Ou pris ou bien souci, ou écrit ou qu'à souffrir, avec musique ou qu'à guérir. Yeah.